Allez, faut aller bosser. T'es obligé, faut rembourser le crédit, connard. Non, non, j'ai été clair, t'as vu. Non, non, non, j'ai été clair, t'as vu. PD, tu copies, pendant que moi je cotise. Et tu t'inventes des règles pour pas que je te kenne comme ta copine. Non, non, non, j'ai été clair, t'as vu. Non, non, non, j'ai été clair, t'as vu. PD, tu copies, pendant que moi je cotise. Et tu t'inventes des règles pour pas que je te kenne comme ta copine. Je me suis mis à travailler tôt, puis à travailler dur. Puis je me suis rendu compte tout comme les autres que travailler dur. Pas de temps à perdre, donc j'étudiais pas. J'entendais dès que tu l'es pas. Inconnu dans ce rap, tout comme celui qui a tué Pac. Bref, je le reste, influencé par personne. Si je te parlais, je te drague sous alcool, t'inquiète, je peux le faire sans merde. On m'attend pas comme la rentrée, ils boivent pour oublier leurs problèmes, moi je bois pour ancrer. Disons que c'est trop tôt pour un disque, l'argent fait défaut, mon compte bancaire chez Lloyd me l'indique. Putain, teste ce que tu peux tester, crois pas que t'es voyou parce que la test aime tes textes sont pourris. Ah c'est ça, je frappe que par nécessité. Ah c'est simple, tout le monde dans mon délire et exécution. Ah c'est simple, mais prêt à arnaquer tout le monde pour du bif comme un putain de vendeur de ACN. Dans mon équipe on me ralentit pas, on veut taper des textes et des sons niqués derrière putain d'anti-pop. Mec je suis anti-con, mais aussi anti-con. Tu capes pas mon écrit donc je te l'envoie en émoticon. Tout est crari à la con, moi j'en ai ras le cul. Je fais pas payer mes textes mais tu fais payer tes instrus. Je fais rien payer d'ailleurs, dommage mais c'est mieux sans. Ça me permet de garder la bonne voix quand ça me chante. Compréhensible, les pieds sur le ciment, le temps passe vite et je vais une bonne fin comme au sinon. Je sens que je dois pas me louper et qu'il y aura pas sinon. Et que je trouverai plus pas dans ce délire vu qu'on est sinon. Donc c'est à mon tour de faire mes preuves. Les gars qui m'entourent sont des cousins ou des refs, ou des confrères ou des fous de musique. Les autres sont le contraire de tout ce que je viens de te dire. Non, non, non, j'ai été clair, t'as vu. Non, non, non, j'ai été clair, t'as vu. PD, tu copies, pendant que moi je cotise. Et tu t'inventes des règles pour pas que je te kenne comme ta copine. Non, non, non, j'ai été clair, t'as vu. Non, non, non, j'ai été clair, t'as vu. PD, tu copies, pendant que moi je cotise. Et tu t'inventes des règles pour pas que je te kenne comme ta copine.